Il est 11h sur le 95.9 FM. On retrouve, comme chaque dernier mercredi du mois, notre émission littéraire mensuelle avec Félix Boulet. Bonjour. Bonjour Sébastien. Ça va bien ? Ça va très très bien. Nouvelle émission avec aujourd'hui ton invité Stéphane Grangier. Exactement. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous. C'est pas la première fois que tu viens à Radio Laser, puisque tu es déjà venu nous présenter ton recueil Droit vers le soleil. Alors voilà. On se disait il y a un an ou deux. Il y a à peu près un an. Je crois que c'était il y a un. C'était peut-être 93. Alors ça passe vite. Donc, 93. Oui, donc c'était quand même il y a deux ans. Disons, on 2013. Plutôt, 2013. Ouais, ouais. J'ai replongé un petit peu dans. Non, parce que 93, c'était les années hip-hop de la radio. Ouais. Tout à fait. Et alors aujourd'hui on n'a pas Frédéric Leplat parce qu'il est en vacances. Il est en train le droit d'en prendre un petit peu. Oui, c'est qu'il a bien travaillé. Et ben tant mieux pour lui. On lui souhaite de bonnes vacances. Hein. Il nous entend certainement pas, mais peut-être qu'il nous entendra en podcast plus tard. Mais on le retrouvera le mois prochain, bien sûr. Voilà. Donc deux mots de Stéphane Grangier. Donc son premier ouvrage publié. À ma connaissance, c'est donc Droit vers le soleil, qui est un recueil de quatre récits. Cinq nouvelles très noires que j'avais publiées. C'était en 2012 aux éditions de La Rue Nantaise, qui est un jeune éditeur donc qui m'avait compilé. On avait compilé cinq textes très noirs que j'avais. J'avais préalablement publié deux nouvelles aussi dans un autre recueil aux éditions de La Rue Nantaise, qui s'appelait La Vengeance du Dindon Farci. C'est un recueil collectif. Tout un programme. Voilà, donc c'était deux nouvelles. Une plutôt polar et une un peu familiale. J'avais un peu destroyé l'univers familial par le biais. C'était un repas de Noël qui dégénérait, quoi. Donc c'était. Je vois. Ouais. Donc tu es par ailleurs membre de Calibre 35, le collectif rennais qui a été fondé. On va pas se perdre à nouveau dans les dates, mais c'est 2012 qui a été fondé par David Cara, qui a un peu évolué puisque David est parti vers d'autres. Vers la Ligue de l'Imaginaire aussi, donc il y a pas mal d'activités. Mais Calibre 35 est toujours actif et tu nous en parleras peut-être à la fin de l'émission pour nous dire quels sont tes projets, quelle sera ton actualité dans les temps qui viennent. Alors je te reçois aujourd'hui donc Stéphane pour deux livres. Alors d'abord Hollywood Plomodierne qui est paru aux très belles éditions Goater Noir et dans un genre très différent dans lequel on ne t'attendait pas forcément mais qui est aussi un genre très agréable à lire, Rachel Lannister 76. Alors là c'est paru aux éditions La Gidouille. Oui. Mais donc on reparlera plus tard. On va d'abord s'occuper de Hollywood Plomodierne. Toi d'abord, Stéphane, donc tu es né à Quimper, tu es breton, et tu vis actuellement à Rennes. Voilà. Tu partages ton temps entre des boulots alimentaires, disons. On peut le dire. Et l'écriture. Hein. Voilà, est-ce que tu peux nous dire encore quelque chose de toi qui puisse nous aider à comprendre ton univers, peut-être, à aborder quelque chose de moi. Bon, c'est peut-être dans les livres, alors plutôt qu'on pourrait peut-être les trouver. Donc, là, il y a les deux livres en fait sont assez différents parce qu'un est du pur polar, polar, disons plutôt un road trip, quoi, un road movie, quoi. J'avais envie de me marrer avec deux personnages et les envoyer en voiture ensemble sur une route un peu improbable. Et l'autre est le petit livre chez La Gidouille, un livre beaucoup plus personnel, où j'ai replongé un petit peu dans l'enfance. C'était suite, Rachel Lannister 76, c'était suite aux éditions La Gidouille, donc on parlera de cet éditeur qui est assez récent, qui est des Côtes d'Armor, que j'avais rencontré il y a deux ans à peu près. Moi personnellement, j'ai fait la connaissance de Yves Rétoré et Eric Niqueux, qui sont les associés en fait. Voilà, à l'occasion de Rue des Livres, où ils présentaient leurs ouvrages. Alors, Hollywood Plomodierne, road movie, un peu déjanté, comme je l'ai lu sous la plume de, d'un critique qui a présenté ton bouquin. Alors, ça commence très très fort, puisque à la cinquième ou sixième ligne du bouquin, ça y est, on a déjà un cadavre. Ben oui, c'est un petit peu ces deux personnages en fait qui vont se retrouver. Ces deux personnages, j'ai voulu deux personnages qui sont un petit peu hors de la société. Alors, il y en a un qui est peut-être surclassé, qui est un joueur de foot du Stade Rennais. Donc, j'ai choisi un peu le Stade Rennais comme il était le stade est assez près, et un qui est quand même carrément déclassé, qui est SDF et qui se retrouve dans un abribus. Voilà, alors précisons le début de l'histoire. Le joueur du Stade Rennais qui s'appelle Yannick Lester, au volant de sa Porsche rouge, Panamera rouge, voilà. Avec coffre à l'arrière, donc, parce que quelquefois les Porsches ont des coffres très, devant. La place du coffre est très important, on va le voir tout de suite. Donc, ce joueur de foot qui est un petit peu sur la pente descendante, hein, il est en voie d'exclusion du Stade Rennais. Oui, c'est un joueur qui aurait pu confirmer, qui n'a pas confirmé, qui les années passent et il est de plus en plus sur le banc de touche. En plus, il y a quelques frasques dans sa vie qui font que ça le rend pas plus performant non plus sur le terrain. Il faut choisir. Il fait encore des pubs, il fait encore des trucs. Il est un petit peu borderline, quoi. C'est un joueur qui, 10 ans auparavant, qui avait eu des sélections d'équipe de France, mais en fait, qui a suivi un peu une pente un peu descendante par rapport à tout ce qu'on mettait sur lui. Et qui tourne une pub, qui fait un peu d'argent, qui prend l'argent en fait où il vient. Là où il est. Il subit aussi, enfin il a quelques problèmes avec sa compagne, sa femme, donc c'est une procédure de divorce, le stade lui en veut, donc c'est vraiment, il n'est pas très bien dans sa peau, dans sa tête. Et pas très bien au volant non plus. Puisqu'il renverse un malheureux retraité qui faisait sa petite marche hygiénique du jour. Donc on est du côté du Reux. Et voilà qu'avec sa Porsche, le brave Yannick, là, il renverse ce pauvre retraité qui n'avait rien demandé. Et témoin de la scène... un SDF sous son abribus avec ses quelques pièces dans la main, qui entend un gros bruit un peu plus loin et qui va voir et qui voit une Porsche atterrir dans un champ avec donc le Yannick Doster qui est un petit peu hors de la voiture, qui est chamboulé parce que il a explosé au passage un randonneur retraité sur bord de route. Et ces deux personnages, d'une manière un peu bizarre, vont se retrouver tous les deux dans la voiture, parce que au loin, une voiture venant, le corps au bord de la route, le SDF, ce qu'il va faire, il va d'une pulsion comme ça, il va mettre le corps de la personne qui a été fauchée dans le coffre de la voiture. Ouais. Le seul endroit où on peut la mettre, on peut le cacher. Exactement. Et alors va commencer ce road movie qui va nous emmener jusqu'à Plomodierne. Alors dès à présent, on peut situer un peu Plomodierne. Alors Plomodierne, j'ai choisi un peu le titre Hollywood Plomodierne justement parce que Plomodierne, c'est une commune où je passais dans le Finistère quand j'étais plus petit. J'avais de la famille vers les Monts d'Arrée, même sur Brest. Donc on passait par Plomodierne quelquefois pour passer aussi sur la presqu'île de Crozon. C'est une petite bourgade. À l'entrée quasiment de la presqu'île. Oui, de voilà, Crozon. Voilà. C'est un petit peu. Ça m'a amusé de trouver le titre. Justement, je l'ai trouvé comme ça, Hollywood Plomodierne, parce que c'était le modèle du road movie Hollywood. Et Plomodierne, parce que c'est un peu face à la côte ouest, quoi. Donc c'est sur une colline, un peu face à la côte ouest. Et c'était un petit clin d'œil, justement, aussi à la route que les deux personnages allaient faire à travers la Bretagne. On ne va pas dire ce qui se passe à Plomodierne, parce que c'est vraiment la fin du bouquin. On va garder le secret. Alors Hollywood aussi, parce que peut-être ça commence par le tournage d'un film qui est loin d'être une production hollywoodienne. On est toujours dans le modèle de la publicité autour d'un joueur de foot. Alors le joueur de foot va malheureusement pas pouvoir refaire une autre pub, il va se faire un peu éjecter. Donc ça va un peu précipiter les événements et sa colère et une grande partie de sa folie aussi, parce qu'il n'est pas très très stable. Donc voilà. Bon, on va faire une petite pause, Stéphane, et on reprend notre discussion dans quelques minutes. À tout de suite sur Radio Laser. Radio Laser, 95.9 FM. Deuxième partie de notre émission littéraire mensuelle avec Félix Boulet qui reçoit Stéphane Grangier qui a publié deux romans, Hollywood plus moderne dans la très belle collection Goater Noir et Rachel Lannister 76 aux éditions La Gidouille qui sort demain en librairie. Voilà. Voilà. Et si vous avez des questions à poser à Stéphane Grangier, à l'adresse, c'est l'adresse mail direct@radiolaser.fr. Alors avant de reprendre la discussion avec Stéphane, je vais remplacer mon ami Frédéric qui est en train de prendre quelques vacances sous le soleil d'Espagne, il a bien raison. Alors je voudrais juste consacrer quelques minutes à parler du dernier livre de Fabienne Juel. Fabienne Juel que nous connaissons fort bien à Radio Laser puisqu'elle est déjà venue à deux reprises et elle vient de publier son dernier roman qui s'appelle La chaise numéro 14, comme depuis longtemps, aux éditions La Brune au Rouergue. La chaise numéro 14, c'est l'histoire d'une jeune femme de Saint-Brieuc qui est tondue par les résistants de la dernière heure à la libération en 1944. C'est une façon très originale et très métaphorique aussi de présenter cette aventure qui est arrivée à Maria Salin, puisque Maria Salin, on va s'employer à pardonner aux personnes qui lui auront fait subir cette honte. Un très très beau livre, alors très très romantique et très très actuel aussi dans sa thématique. Et en même temps, Fabienne nous fait une belle évocation du grand écrivain briochin qui est mort il y a déjà plus de 30 ans, je crois qu'il est mort en 1980, Louis Guillou. Donc n'hésitez pas à acheter, à lire ce livre de Fabienne Juel. Et je pense que de toute façon, Fabienne Juel sera certainement dans nos studios à la rentrée prochaine. Voilà donc pour mon premier coup de cœur. Et je précise juste, hein, Félix, que les auditeurs pourront retrouver tes coups de cœur sur la page de l'émission avec tous les liens menant chez les éditions concernées. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tu es formidable, Sébastien. On te remercie. Alors, on revient avec Stéphane sur la route qui nous mène d'Ureux à Plomodierne. Alors, parlons un petit peu de tes deux héros qui sont à la fois drôlatiques et un peu pathétiques quand même, hein, parce que, bon, ils sont pas très organisés, hein. Alors, disons, on va rien trahir en disant que le cadavre du retraité qui s'est fait renverser, nos deux compères vont le stocker dans le coffre de la Porsche avec comme projet de l'enterrer discrètement. Voilà. Seulement, bon, la première fois qu'ils trouvent un endroit potable, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de pelle. Ils n'ont pas de pelle. Je recommande aux éditeurs, si vous voulez enterrer un cadavre en cachette, n'oubliez pas la pelle. De prendre ce qu'il faut, de tout y est. Donc c'est un peu, ils improvisent un petit peu, ils partent, ils fuient, quoi. Mais ils savent pas vraiment où ils vont, donc le but devient de se débarrasser du corps. Alors la première fois, ils vont tomber aussi sur un agriculteur un peu qui reconnaît un des joueurs de foot, donc il voudrait qu'il lui signe un autographe. Alors ils arrivent à partir assez vite, évidemment, pas de pelle, donc lui, ils reprennent la route. Il s'outille le lendemain, il trouve un coin, pareil, donc entre-temps est entrecoupé de coups de téléphone de l'agent qui lui annonce quelques mauvaises nouvelles aux joueurs de foot, donc sa femme également qui lui annonce encore qu'il va être poursuivi. Alors du coup, là, se noue, ils ont toujours ce cadavre, ils essayent de s'en débarrasser, mais ils ne savent pas où, donc ils vont vers la mer, parce qu'il y a la mer, quoi, voilà. Quoi, c'est sans compter qu'une fois, ils ont la pelle, ils trouvent un bel endroit. Manque de peau, c'est un endroit où le paysan du coin a fait des semis. Voilà, il y a ses semis et il n'a pas aimé voir du tout voir deux gugus en train de creuser un trou dans ses semis, donc ils partent assez vite, quoi, voilà. Alors, je voudrais te demander, Stéphane, tu évoques, surtout donc au début, ce milieu du foot, le milieu de la pub, le milieu des agents et tout. Ouais. Est-ce que tu t'es documenté ou est-ce que tu connais déjà un petit peu ce milieu? J'ai joué au foot comme beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens. Hein. J'ai pas été bien loin. J'avais été en sélection du Morbihan à une époque. D'ailleurs, le Yannick Lester viendrait de là. Ce serait peut-être un personnage que j'aurais croisé. Donc, du coup, j'ai un peu réutilisé le nom, mais pas à ce niveau-là, évidemment. Donc après, c'est avec, je pense, ce qu'on voit, ce qu'on entend. J'ai aussi travaillé au Stade Rennais, mais dans une autre, d'une autre manière. C'est-à-dire, j'ai un peu ramassé la poussière. Hein. J'ai trimballé avec mon sac avant et après les matchs. Donc pour la structure de tout ça. Après, il y a une part de documentation et une part d'observation et une part d'imagination, quoi. Donc qui est pure. Voilà. Alors. Restons un petit peu sur les aspects comiques. On va voir qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'ai bien aimé aussi les noms que tu donnes à tes flics. Hein. Alors, il y en a un, peut-être que ça mérite quelques petites explications. Ernest Antoine Bornine. Oui, mais je l'avais en tête, celui-là. Alors, du coup, c'est vrai qu'il a un œil qui dit merde à l'autre. Contrairement à l'original, qui est un comédien hollywoodien, Ernest Borgnine, qui a un œil, oui, pareil, il est beaucoup plus grand. Tout ça. Donc, j'ai un peu repris... voilà, donc c'était plus dans le cadre. C'est vrai que c'est assez. J'aime bien le côté grand guignolesque aussi des personnages. Donc voilà. Un autre, c'est le commissaire Gloussard. Oui. Pourquoi pas. J'avais toujours ce commissaire Broussard dans la tête là, de l'époque Mérine, tout ça. Bon, ça n'a pas grand chose à voir, mais voilà. Donc après, ces deux personnages vont se retrouver. Parce qu'évidemment, la vie de disparition du retraité va courir un peu partout, donc il va commencer à y avoir des poursuites, donc ils vont petit à petit être un peu localisés, un peu repérés, un peu voilà, surtout avec une Porsche rouge. Ça passe pas inaperçu. Grand footballeur noir et un SDF ensemble dans une voiture et qui font des frasques en plus pas possibles, donc qui se tiennent pas très discrets, on va dire qu'ils sont un peu maladroits aussi. Oui, très maladroits. Voilà. Alors, il y a une histoire d'amour à peu près au milieu du bouquin, une histoire qui est assez harde. Général, quand tu parles d'amour... Ça dépend, parce qu'on parlera peut-être de l'autre livre qui est peut-être dans un autre registre. Là, je crois que les personnages sont complètement borderline, surtout le SDF. De toute façon, il profite de la Porsche et il profite de l'argent aussi de l'autre pour s'en mettre plein le nez, hein, pour boire comme un trou. Voilà, c'est un petit peu le punk à chien actuel, mais dans une Porsche. Donc, il se retrouve dans des situations et le joueur de foot étant perdu, complètement perdu lui-même et découvrant d'une certaine manière la vie, parce que les joueurs de foot sont, à partir de l'adolescence, sont un peu très très encadrés dans des équipes, en formation. Donc forcément, dès qu'ils sont un peu perdus ou lâchés à eux-mêmes, bon, ça donne quelquefois des résultats un peu rock'n'roll, quoi. Avec un peu d'immaturité. Complètement. Mais ils sont tous les deux, on va dire, irresponsables, quoi. Alors, les substances illicites qu'ils prennent les aident pas non plus à retrouver les pieds sur terre, mais c'est vrai qu'ils suivent un petit, ils se laissent porter un petit peu par la situation, parce qu'il leur arrive, ils suivent et puis retombent après voilà, toujours en cherchant à enterrer ce cadavre qui a pas envie de se laisser enterrer. Et pas du tout, hein. Voilà. Il est même assez récalcitrant, puisque à un moment ils veulent même s'en débarrasser carrément dans la mer, la Manche. Oui. Hein, ça casse le guildo. C'est vrai qu'il faut une pause là-bas, et puis il est temps de s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas. Donc ils essayent au matin, après une soirée, on va dire en boîte, où le SDF a suivi le joueur de foot qui voulait à tout prix sortir en boîte. Ils se retrouvent à 5h du matin au bout du port, il n'y a pas un chat, ils disent bon, on va jeter le cadavre dans l'eau. Sauf que le corps, il n'a pas envie de couler. Et alors il le regarde dériver, mais en fait il dérive et il revient dans le port. Donc c'est comme un aveu ça les rattrape, quoi. Donc en fait ils vont le repêcher et puis le remettre dans le coffre parce qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Voilà. Il est vraiment accroché. Oui, ce cadavre. Ouais. Alors jusqu'ici, notre discussion, notre échange, là, Stéphane, nous laisse entrevoir un livre plutôt sur le registre du comique, voire du burlesque. Et ce n'est pas que cela. Et peut-être qu'on pourrait aborder un petit peu ce côté-là maintenant. Moi, j'ai trouvé une des choses que j'ai trouvées les plus belles dans ton livre. C'est une naissance. Alors, est-ce qu'on peut parler d'amitié entre ces deux personnes si éloignées l'une de l'autre? Du moins, une fraternité et puis la reconnaissance de l'humanité chez l'autre. Oui, hein. Oui. Alors, je voudrais juste lire quelques lignes d'une page. Alors, ça se situe à peu près à la moitié, à la page 115. Donc, il parle d'humour. Et puis, voilà que je crois que c'est Yannick qui dit, bon, on ne sait même pas son nom. Et, bon, à la limite... L'autre, il dit, bon, on s'en fout hein, de son nom. Mmh. Et puis, non, hein, il dit, non, mais... Alors, c'est Yannick qui parle, il veut aller chercher les papiers du cadavre dans le coffre. Non, mais au moins, on saura qui il est. La mémoire, c'est beaucoup pour un pauvre homme. La trace qu'il peut laisser chez les gens et le soin qu'on peut prendre. Le nom de famille, c'est important qu'il ne parte pas comme ça. Tu veux peut-être guider le cortège d'une messe jusqu'à sa sépulture aussi tant que tu y es avec des flics pour régler la circulation ? De ce petit œil très noir, il m'a regardé méchant. Tu crois en rien. Peut-être que cet homme a fait le bien toute sa vie et nous, alors, on se comporterait comme des porcs ? Ouais, il y a une naissance de toute façon. On se raccroche, quoi. Je crois, dans des situations un peu douloureuse ou de souffrance, bah les personnes se raccrochent l'une à l'autre, quoi, de toute façon, à ce qu'elles peuvent les aider un petit peu. Bon, eux, ils ont plutôt, c'est un petit peu un escalier à l'envers, eux deux, quoi, parce qu'ils se tirent vers le bas, tous les deux. Mais il reste l'humain, quoi, entre eux, quoi. Il reste une certaine humanité. Alors là, il y a le personnage, le joueur de foot, est croyant. Oui, il est croyant, donc il croit en Dieu. Il se raccroche un petit peu à ça, je sais pas s'il croit à l'humain, mais il croit en Dieu avant tout. L'autre croit à l'humain, donc ils sont. C'est une équipée, mais c'est une fraternité qui se crée aussi entre eux petit à petit, avec la route, avec les jours qui passent, avec cette histoire de cadavre. Qu'est-ce qu'on va faire de ce cadavre? C'est s'en débarrasser, mais on pourrait être un peu comme Charlie Chaplin, s'en foutre, quoi. C'est toujours celui qui est à la rue, il est pas gentil, quoi. Il est pas spécialement, il va taper un plus faible que lui de tout ça. Mais il y a quand même une entre eux, il y a peut-être la fraternité des losers, quoi, quelque part, et qu'ils le savent. Alors dans les mêmes pages, hein, on trouve cette étincelle d'amitié qui naît entre eux. Alors, il y en a un qui dit, je vais peut-être dire des conneries, je ne sais pas trop où tu vas et pourquoi tu y vas, mais je te suis, je viens avec toi, j'ai rien d'autre de potable à foutre sur cette terre de toute façon. Son œil m'a regardé de côté, tout à coup très humain, je lui en découvrais une nouvelle facette au bonhomme. Également quand il a pris son temps pour me dire merci à toi, ça fait chaud au cœur, t'es un ami Michael, franchement. Oui, oui. C'est la première fois, alors on est rendu au milieu du bouquin, c'est la première fois que, entre ces deux personnages, l'amitié s'exprime. Oui, bah ils ne savent pas où ils vont vraiment, d'où ils viennent, ça a viré un peu à la catastrophe. Ils se raccrochent l'un à l'autre et puis ils se trouvent petit à petit une affinité, certaines choses, quoi. Ils sont tous les deux borderline, on va dire déclassés ou surclassés pour un. Le joueur de foot est surclassé. Les joueurs de foot vivent un petit peu à côté du monde, quoi. Ils ne vivent pas vraiment dans la société, surtout les grands joueurs de foot comme ça. Ils sont un peu. Et l'autre, il vit pas non plus. Donc il se raccroche à ça, il se raccroche à leur petit univers à eux, en fait. Alors, parlons du style un petit peu assez différent, je trouve, par rapport à tes premiers ouvrages. Un style, tu alternes, le style un peu déglingué, un peu déjanté, qui est un petit peu ton ta marque de fabrique, en quelque sorte, avec des pages plus lyriques, beaucoup plus travaillées. Alors, je te propose, je t'invite, si tu veux bien, à nous lire alors un paragraphe. Nous sommes à peu près un petit peu plus que rendus au milieu du livre et au milieu, un peu plus loin que le milieu de la route aussi. Hein, ça se passe à Callac, dans l'après-midi. Donc Stéphane nous lit un extrait de Hollywood Plomodierne. Callac, dans l'après-midi. Puis direction Velgoat et les Monts d'Arrée, où en silence, on a redécouvert le monde, notre monde, à nous deux, fascinant et impressionnant. Ces longues vallées mornes ponctuées d'hameaux désertiques, eux-mêmes gagnés par une inquiétante lumière, donnaient l'impression d'un autre temps, d'un autre plan, d'une autre réalité. Tous deux plongés dans l'absolu, c'est comme si nous cherchions à lui grimper dessus, à la légende, à défaut de modestement pouvoir la chevaucher. Yannick est devenu étrange, excessif, plein, mais d'une plénitude inquiète, car ce paysage de western désertique et sans une âme ne nous rassurait pas franchement. Je ne savais pas pourquoi, d'ailleurs, à part l'aspect du paysage. Peut-être parce qu'à un niveau, les mots n'existent plus, ne suffisent plus, quand domine le vent, le silence et cette folie prégnante dans l'air. « C'est le Finistère, c'est chez moi », a dit Yannick. « Charmant, chez toi », j'ai dit. Voilà, donc, une petite idée du style de Stéphane. Ben je crois que le paysage, quelque part, en Bretagne, quand on traverse la Bretagne, il y a vraiment des coins qui impriment aussi, jusqu'à les Monts d'Arrée, pour les gens qui ont traversé. Il y a vraiment quelque chose de très, très spécial. Quoi, on sent quelque chose dans l'air, quoi, dans l'atmosphère, d'assez profond, d'assez noir, d'assez douloureux. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est désertique. Quelquefois, on voit des voitures, on voit des maisons, mais on ne voit personne. Quoi. Donc, on se demande si les gens n'ont pas été transformés en pierre. Non, j'aime bien lier aussi ça à ce que je connais de la Bretagne, ce que je ressens de la Bretagne. Voilà, ils vivent intérieurement, ils vivent des choses entre eux. Il y a ce polar, mais il y a cette vie, il y a ce monde autour d'eux aussi. Quoi. On sent cette prégnance du paysage dans cette page. C'est chez moi, hein, dit Yannick, c'est chez moi. Alors, il nous reste, avant de faire une pause, trois petites minutes. Le livre Hollywood Plomodierne a donc été édité chez Goater Noir. Alors, Goater Noir, c'est la maison de Jean-Marie Goater, de Rennes. Voilà, alors... qui viendra, que j'inviterai à passer à la radio au mois de juin, pour la dernière. Mais est-ce que tu peux nous en dire dès à présent quelques mots, alors, Stéphane? Les éditions Goater, je crois que ça existe depuis 5 ans environ. La collection noire, il a voulu ouvrir une collection polar, noir, roman noir. Enfin, c'est vague, ça peut être thriller, ça peut être tout ça. Oui, dans des styles. On va dire l'année dernière, c'était l'année d'avant, enfin 93, vers là. Donc on a été quelques auteurs comme ça à publier dans la collection noire. Mais il y a d'autres collections, comme sur la vie des gens. Qui sont. Ou plus attaché, ça peut être au patrimoine, ça peut être politique, ça peut être un peu plus... J'ai reçu il y a deux mois, je crois, Gérard Prémel, qui a fait un petit essai sur les écrivains algériens de langue francophone, toujours chez Goater. On a reçu aussi Frédéric Paulin, qui a édité chez ce même éditeur. Et qui vient de sortir un deuxième 600 coups par minute après La Grande Peur du Petit Blanc dans la collection Goater Noir. Justement. Exactement. Et nous recevrons Yves Tanguy, en même temps que Jean-Marie Goater, à cette dernière de l'année 2014-2015. Et je vois Sébastien qui me fait des signes désespérés pour me dire... Ah non, on ne va pas désespérer. Espoir que ça s'arrête. Ah, mais bien sûr. Donc, une petite pause, Sébastien. Voilà, je vous propose un petit Bruce Springsteen pour la suite côté musique. Rocky Ground, et on se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite sur Radio Laser. Traveling over rocky ground, rocky ground. I Rise up, shepherd, rise up. Your flock is roaming far from the hill. Stars have faded, the sky is still. The angels are shouting glory and hallelujah. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. 40 days and nights of rain washed this land. Jesus said the money changers in this temple will not stand. Find your flock at them higher ground. Flood waters rising in Canaan bound. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. We've been traveling over rocky ground, rocky ground. Into your flock, or they will stray. Our service come judgment day. For we cross that river wide, blood on our hands will come back on us twice. Springsteen, Rocky Ground pour ses pauses musicales, hein, bien évidemment, en direct. Et on va continuer avec Félix, troisième partie de notre émission littéraire. Voilà, et donc dans mes conseils de lecture, puisque Frédéric, je le rappelle, n'est pas là, plutôt que de parler de livres, hein, je parle de livres toutes les semaines, alors j'ai pas trop de conseils à rajouter, je voudrais plus parler de deux petites maisons d'édition. Petite par la diffusion, mais grande par la qualité. Alors, je voudrais d'abord dire deux mots sur les éditions Diabaz. C'est une petite maison d'édition qui est installée à Tours ou dans la région de Tours. J'ai chroniqué déjà un roman de Nathalie Debroc qui a été édité par Diabaz, précisément, qui s'appelle La tête en arrière. Ça a été diffusé il y a deux ou trois semaines. Je le ferai bientôt pour Gérard Prémel. Gérard Prémel qui a écrit un roman, L'été de l'Exode. Gérard Prémel que j'ai reçu, je le disais tout de suite, qui a publié aussi aux éditions Goater un essai sur la littérature algérienne contemporaine d'expression francophone. Donc les éditions Diabaz. En plus, ce sont de très très beaux livres, très bien présentés, très bien faits. Alors, je conseille de lire, entre autres, hein, Gérard Prémel, ça s'appelle « L'été de l'Exode », et Nathalie de Broc, « Un amour retenu ». Une autre maison d'édition qui nous est très chère aussi, c'est les éditions de la Part Commune, une maison d'édition rennaise que tu connais fort bien, je pense, hein, Stéphane. Alors, maison d'édition qui a fait beaucoup, qui édite de la poésie, qui a fait beaucoup en particulier pour le haïku, par chez nous, hein, en Bretagne, qui édite aussi alors des ouvrages inconnus, méconnus, oubliés de grands auteurs, hein, des correspondances, des choses, un petit peu les fonds de tiroir dans lesquels on retrouve des petits bijoux, des petites pépites de grands auteurs, qui édite bien sûr aussi des auteurs contemporains, des auteurs que nous connaissons bien, mais qui viennent de publier de nouveaux romans. Alors je conseillerais Didier Lahaye, que nous avons reçu aussi il y a quelques années ici, Didier Lahaye, un auteur rennais, pour La Tache de Vin, un roman donc aux éditions La Part Commune, et Jeff Sourdin, qui est un Parisien, mais qui va bientôt être rennais, je crois, qui écrit Pays retrouvé à La Part Commune. Les éditions Diabase, La Part Commune, deux petites maisons d'édition qui méritent d'être connues, qui nous offrent des ouvrages absolument originaux et intéressants. Et Stéphane va nous parler, on va parler de Rachel Lanester 76. Et peut-être avant de parler du livre, tu peux nous parler un peu des éditions La Gidouille, Stéphane ? Alors, La Gidouille, c'est un éditeur, comme tu disais, un petit éditeur, mais c'est souvent chez les petits éditeurs qu'on trouve des belles choses. Je connais Yves Rétoré et son associé, donc Eric Niqueux, depuis 3 ans, on va dire à peu près, 3 ou 4 ans. Je les avais rencontrés à l'époque, ils n'étaient pas éditeurs, et je les avais rencontrés au festival de Tréguier. On avait sympathisé, là on est resté en contact longtemps, et un des deux, Yves, a profité de sa retraite donc pour monter une petite maison d'édition, parce qu'il a travaillé dans le milieu du livre pendant toute sa vie, il a été libraire, il a travaillé à l'université, je crois, de Caen, et il a monté donc les éditions La Gidouille, donc c'est relié, je crois, au Père Ubu et au Bien Vivre, voilà, au Ventre, tout ça. Donc la Gidouille, voilà. C'est le ventre du Père Ubu, voilà, en fait. Donc c'est de là ça, que voilà. Viennent, même les idées du Père Ubu viennent de son ventre, hein, voilà, je crois, dans voilà. Ils ont créé La Gidouille, donc un éditeur des Côtes d'Armor, et ils ont fait plusieurs collections. Je sais qu'il y a des collections, c'est plus ce qu'on appelle de la littérature blanche, sauf qu'ils ont dernièrement, enfin il y a à peu près un an, ils ont repris donc la collection de Cobbrez, qui appartenait à Cobbrez. Voilà. Au niveau du polar, hein, Léo Tanguy, les aventures de Léo Tanguy, ils ont repris. Voilà, et autrement, ils font des collections variations, donc c'est des recueils de nouvelles dont j'ai eu la chance de faire partie, et ma compagne aussi, Karine, et puis et Léonard Taokao aussi, du collectif voilà, Karine 35, qui a écrit dessus. Ce premier recueil Le Petit Câlin, avec plein d'amour dedans. Et récemment, 6 hommes sans histoire, donc autour d'une photo dont on sait d'où elle vient en fait à la fin. Voilà, c'est une variation sur... Et donc ce petit livre est sorti, on était en contact depuis pas mal de temps, et j'avais ça en tête, c'était surtout parce que Rachel Lanester 76, parce que ça revient un petit peu, ça revient dans mon enfance en fait, j'ai utilisé le terreau de mon enfance, parce que si je suis né à Quimper, je me suis arrêté sur la route petit à Lanester, et l'endévant. Après, pour ceux qui ont lu Droit vers le soleil, il y a une nouvelle qui s'appelle Droit vers le soleil, où il y a un adolescent qui c'est aussi dans cette nouvelle des souvenirs d'enfance. Oui, voilà, on retrouve un petit peu un fond d'enfance. Après, il y a l'imaginaire qui fit sa route. Bien sûr. Mais Rachel, la naissance 76, c'était née il y a une dizaine d'années. Mes parents déménageaient et j'avais retrouvé dans un carton un petit carreau. Comme on retrouve des bracelets dans les fêtes foraines. Et m'est revenue, en fait, la personne qui me l'avait offert. Et c'était une petite fille qui avait 6-7 ans. Ça a été ma première histoire d'amour, quoi, avec une petite Rachel. Donc, le prénom m'était resté imprimé. Et en fait, elle m'avait offert ce petit bracelet le jour pour notre attachement éternel, comme disent les enfants. Et c'était, en fait, elle déménageait, on se verrait plus jamais le lendemain. Mmh. Et du coup, ça m'a replongé dans une partie de mon enfance qui se passe à Lanester, entre l'école, le quartier du Pénair où je vivais, les murs, l'arsenal. Oui, il y a une très belle évocation des lieux, hein, au début de l'histoire. Tu avais déjà un petit peu la fibre de l'écrivain, parce que ta déclaration d'amour, tu as été obligé de la faire par écrit quand même. Alors, oui. C'est de la timidité ou... Oui, alors ça, j'ai pas non plus. De toute façon, dans ce qui touche un peu à l'autobiographie, qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai, je sais pas, oui, il faut souvenir. Mais cette Rachel a existé. Après, le chemin sur lequel on allait à l'école aussi. Et, voilà. Donc c'est une évocation sur une cinquantaine de pages, c'est un très petit livre. De passage personnel de mon intérieur de ce qui préexiste, enfin voilà, c'est bizarre d'en parler, quoi, c'est un peu étrange parce que ça remonte à loin et le passé c'est toujours un peu bizarre, donc voilà, on n'est pas dans le polar là, en fait. Non, absolument pas, non. Alors tu signales quand même que c'est jamais simple, hein, les histoires d'amour. Je lis un petit paragraphe là qui va parler à tout le monde, je pense, quel que soit l'âge. Les filles, même à 8 ans, c'est comme ça. Manipulatrices, dès qu'il s'agit de vous ruiner l'âme, de vous vider la volonté, de vous trimballer par le bout du pif. Suis resté son objet quelques mètres, puis elle s'est relevée, m'indiquant qu'il n'y avait plus de danger. Et voilà, donc la vie continue. Elle emmène son compagnon, le petit garçon, le narrateur, dans un endroit un peu... Une vieille maison abandonnée, tout ça. Il y a plusieurs péripéties, quoi, qui sont liées un peu à l'enfance, justement. Il y a la famille, on se retrouve dans le cadre familial. Et il y a cette relation courte. Enfin, je ne sais pas si peut-être que ça a été plus court, peut-être que ça a été plus long. Enfin, c'est ce qui m'en reste, en fait, de cette relation et ce chemin qui nous liait, en fait, pour aller à l'école ensemble. Donc, on se retrouvait. Et les deux enfants sont dans une sorte d'attirance, mais aussi de peur, et aussi de distance. Et aussi il y a déjà des petites fiertés adultes aussi, Voilà. Et on retrouve l'ambiance de la nouvelle dont tu parlais tout de suite. Alors, c'est Droit vers le soleil, ouais. Celle-là où ça se passe aussi dans un endroit un peu inquiétant. Tu aimes bien ces endroits à la fois inquiétants et protecteurs, parce que c'est aussi des sortes de nids. C'est un peu le nid de l'enfance, de toute façon. Mais dans le nid de l'enfance, il y a des mondes qui paraissent effrayants autour, quoi. Déjà, la nuit paraît effrayant. Un château, ça devient quelque chose de monstrueux. Voilà. Donc, c'est vrai que j'y ai pensé après l'avoir fait. Et quelqu'un, un lecteur, en fait, m'avait envoyé un message, m'avait dit justement, tiens, je vais lire aussi Droit vers le soleil. Je dis, c'est peut-être une sorte de suite du personnage. Je sais pas, on reconstitue des bouts comme ça d'histoire. Une suite ou un avant, je sais pas, oui. Ou un avant, voilà. C'est là, c'est plutôt l'avant, parce que là, c'est avant l'âge de 10 ans, quoi. C'est vraiment avec Lanester sur le fond. Voilà, petite pause et dernière partie dans un instant. Pour l'émission mensuelle littéraire. À tout de suite. Dernière partie de notre émission littéraire mensuelle en compagnie de Stéphane Grangier, qui est notre invité. Ça va toujours ? Ça va très bien. Et puis Félix Boulet, l'animateur de l'émission. Voilà. Et on revient alors très rapidement sur Rachel Lanester 76, évocation des amours enfantines. Mais ça reste quand même du Stéphane Grangier pur jus, parce qu'il y a un début et une fin qui sont assez costauds quand même. On n'est plus dans l'enfance. En fait, le personnage se souvient à ce petit carreau justement avec lui et s'est trouvé une sorte de on va dire d'un Il a un panorama, il voit de l'Orient, on peut voir l'Anester en fait, le Scorff autour, et il voit son quartier, son ancien quartier, et il a ce petit carreau avec lui, il revient sur son passé, sur ses souvenirs, ce souvenir pur on va dire, c'est très pur, c'est cet amour pur et tout ça. Et c'est vrai que ça contraste parce que le lieu est quand même devenu un lieu de rendez-vous assez glauque. Très glauque, oui. Entre travelots, machin de tout ça, donc il se retrouve en fait entre... Et j'ai voulu placer ça justement, cette pureté enfantine de tout ça à côté de quelque chose de beaucoup plus noir, quoi, voilà. De beaucoup plus voilà. Alors n'hésitez pas, lisez Rachel Lannister 76 qui sera demain en librairie. Voilà, dans toutes les librairies. C'est pas long à lire, c'est un petit régal d'une cinquantaine de pages. Revenons sur la gidouille, Hollywood voilà. Plomodière. Alors je voulais te dire un petit mot sur Hollywood Plomodière. Alors, je sais que je suis assez un fan de Tarantino et même d'Audiard et de Frédéric Dard et des gens comme ça. Donc c'est j'aime cette verve-là, ces mots-là, ce rythme-là, donc on trouve plus, peut-être dans Hollywood Plomodière, quelque chose qui a plus à voir avec le western. Peut-être que j'ai voulu faire une sorte de western moderne. C'est Manuel Poirier avait fait western, le film sur la Bretagne, mais lui, c'était très lent. Donc moi, je l'ai fait quand même à un rythme un petit peu survitaminé, sans doute dû aux substances qu'ingurgent les personnages à longueur de bouquin. Enfin, pas que ça, évidemment. Oui. C'est une constante. Faut tenir le coup, faut tenir la route, comme diraient les cyclistes. Oui. On parle de cyclistes. Il y a même aussi d'autres qui tiennent le coup à coup de petits blancs. Là, évidemment. Il y a une discussion de PMU qui est assez... Heureux. Même les plus modérés ont des opinions quand même assez tranchées. On va dire, et on voit à peu près dans quel sens. Stéphane, le temps qui nous est imparti, comme on dit, touche à son terme. Où en es-tu, toi, donc, dans ton travail littéraire? Tu as des projets, tu as une actualité. Raconte-nous ça un petit peu. Alors, il y a une actualité très prochaine. Donc, je crois que ça va être pour mai, pour le mois de mai. Donc là, c'est avec le collectif Calibre 35. Donc on va publier un recueil, le deuxième recueil du collectif. On avait sorti il y a deux ans Reine et Sirène aux éditions Critiques. Et là, dans la collection Guater Noir aussi, un recueil qui tournera autour de l'étape du Tour de France, Reine, Mur de Bretagne. Ça a tilté. Chacun d'entre nous, donc on s'est dit on se lance, et qui va s'appeler Maillot Noir. Voilà. Et il y aura une contrainte initiale comme... La contrainte était principalement d'évoquer cette étape Rennes-Mur de Bretagne. Alors ça peut se passer sur quelques jours, sur une journée, après il y a moins de... Voilà. Comme il y avait la contrainte de Rennes-Sirène où on partait de la gare de Rennes, là c'est d'évoquer d'être en plein dans la... Voilà. Avec une préface de Jean-Bernard Puy qui nous a fait l'amitié de monter la côte avant nous, on va dire. Voilà. Ces deux productions sont à chaque fois préfacées par des gens. On lui a simplement demandé, et puis il a dit OK. Il a, voilà. Donc c'était Caril Ferret. Caril Ferret pour Reine Sirène, voilà, chez Critique, et Maillot Noir, donc avec Puy en préface, on va dire en échappée, dans la première côte, qui nous fait une préface pour le collectif Calibre 35. Donc là, normalement, ça devrait sortir donc chez Guater Noir, je crois que c'est en mai, mi-mai. Donc ce sera à confirmer. Ce sera dans les librairies, en tous les cas, pour. Pour le Tour de France. Oui, largement. Et largement. Un bouquin sur lequel je travaille, mais qui est beaucoup plus long. Et là, à mon avis, il y en a pour deux ans. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane Granger, d'avoir été avec nous ce matin durant cette heure. Félix, on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Oui, alors je recevrai une écrivaine roumaine, qui vit à Rennes depuis quelque temps, dont le français n'est pas la langue maternelle, on le verra, mais qui écrit fort bien dans notre langue. Elle s'appelle Irina Teodorescu. Eh bien, rendez-vous le mois prochain, au mois d'avril, pour une nouvelle émission littéraire. À très bientôt. À très bientôt. Merci Stéphane. Merci à vous. Et merci Sébastien. Merci à tous nos auditeurs. Et à bientôt.